À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 7 ses messages de félicitations au chef d'État des pays. Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 7 ses messages de félicitations au chef d'État des pays membres. Ce sont les présidents indonésiens, vietnamiens, laotiens, birmans, singapouriens et philippins, les rois cambodgiens, thaïlandais et le 15e roi malaisien, ainsi que le sultan et chef d'État du Brunei Darussalam. Le destinataire leur a exprimé la certitude du développement continu des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire démocratique de Corée et l'ASEAN, ainsi que leur pays, et souhaité plus grand succès dans leurs affaires.